بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الدرس الماضي أخذنا باب من حقق التوحيد وعليكم السلام دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لأصل الركن الأساسي في هذه المسألة la chose la plus importante dans cette masala, c'était quoi? Naam. Et ça veut dire qu'en fait, tahqiq al-tawhid, naam, c'est ce qu'on avait acheté au Cheikh Al-Othaymin. Tout ce qui est lié au shirk, au bida, au ma'asi, car celle-ci, à part le shirk akbar, lui, yuktil le tawhid bil kulliyah, amma l'ashar wa bida wa ma'asi, tadkous minhu. Et justement, on a vu citer que l'hijra fait partie du tahqiq, comme on a pris du hadith d'Ibn Abbas, à 70 000. Que parmi eux, les muhajiroun, bizna ta'ala, en font partie. Yani, al-ma'asi, on a dit, il y a tark al-ma'asi, délaisser les ma'asi, et le fait de vivre en pays d'islam, en pays de kufr, en étant incapable d'accomplir sa religion, c'est un grand péché. Donc ça rentre dans la ma'asiya. Mais c'est une ma'asiya qui en même temps est liée, elle, à une chose qui revient au tahqiq qui est le tawakkul. En plus, elle n'est plus que quelqu'un qui ferait zina ou qui ferait shab al-kham ou qui boit de l'alcool. Ça, c'est plus lié encore. Car ça a besoin, il y a zina, ça n'a pas besoin de tawakkul à la base, ça a besoin de iffa, abstinence. Amal hijra, ça demande un effort sur toi, considérable, qui revient au tawakkul. Taïeb, et ça, c'est lié au tahqiq, du tawhid. Wa alaykoum salam. Il y en a comme Ibn Qayyim disent que la yaktaoun, il ne faut pas de kay, c'est ils ne demandent pas qu'on leur fasse. Lui dit ça Ibn Qayyim. Ce n'est pas le fait de faire de kay en soi-même, mais qu'ils ne demandent pas, comme c'est le cas. Il y en a disent sa'am. Sa'am min dalik. Al-Ayl se la trouve fi bab bin Jadid. Qala al-mu'allifu rahmahu ta'ala. Babu al-khawf. Mine shirk, qui est le chapitre de la peur du shirk. Wa qulu Allah azza wa jal. Avant cela, munasibat dhikr hadha al-bab. Le fait de citer ce bab après les autres précédents, c'est qu'on a appris le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a appris le mérite de ce droit. On a appris un des grands mérites de ce droit qui est qu'il fait rentrer au Jannah bil hisab wal azab pour celui qui l'aura haqqaq. Et maintenant, on t'apprend l'opposé du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les conséquences néfastes que subira celui qui tombe dedans, qui est le shirk. Et là, je dis par là shirk akbar. Et il va parler du asrar également. Donc ça se suit. Taqal. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النساء 48 La parole d'Allah dans le sens où il dit que certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela, et Cheikh Al-Othaymin dit qu'en moindre que cela, il dit دون ذلك, pour lui c'est moindre et non pas غير, c'est un sens de moindre que cela à qui il veut. L'imada, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe. Mais les ma'asi yaghfiruha liman lam yushrik bih. Car, comme le dit Cheikh Al-Othaymin, les ma'asi qui sont sous du shirk sont yani, liés au shahawat. Principalement lié au shahawat, comme zina, شرب الخمر السرقة والكذب غير ذلك من هذه المعاصي ces péchés là sont liés au désir pour lequel penche la mauvaise âme de Mukallaf alors que le shirk il est lié au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est التوحيد. Donc ça c'est de l'i'tida fi haqqillahi azza wa jal fa huwa dhulm. Ça c'est une atteinte au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, son principal droit plus important qui est le tawhid. Donc Allah ne pardonne pas cela. Que lorsque tu fais zina, tu nuis à qui? À toi-même. Ou tu nuis peut-être à la créature. Amal tawhid, tu nuis. Ah là, c'est une offense au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une offense au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, principal pour lequel tu as créé. Donc celui-là ne pardonne pas. Et on a dit le shirk wa dhulm. Inna shirk la dhulm azim. C'est la plus grande injustice même. Faqal, al-shaykh ibn Baz, rahimahullah ta'ala. الشرك هو تشريك غير الله في العبادة أيا كانت ولذلك سمي شركا وعبادة حق الله وحده وأعظم من ذلك صرف العبادة كلها لغير الله عز وجل que le shirk c'est le fait d'associer à Allah autre que lui dans l'adoration avec qui que ce soit ou quoi que ce soit donc cela a été appelé association dans l'adoration qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et le plus grand que cela c'est de tourner une adoration pour Allah dans sa totalité. Car le shirk rentre dans le fait de tourner une partie d'adoration ou alors l'adoration totalement pour Allah. C'est-à-dire que quelqu'un fait une ibada, il vise par cela autre qu'Allah dans sa totalité. Min awwaliha ila akhiriha. Ça, c'est encore plus grave. Donc, il dit par rapport au verset, ces versets nous démontrent le grand danger qu'encourt celui qui tombe dans le shirk, le péril. Qu'il les expose au feu éternel. Celui qui tombe le shirk akbar et qui meurt sans tauba, il est mukhalidan finna. Et tout cela englobe tous les kuffars, à la base, même les al-kitab, à la base, le kafir, nakullahu wa finna. On peut le dire. Nous, on n'a pas à dire, on sait, c'est le message, on ne sait pas, nous, nakum izawir, il est mort kafir, donc il est éternellement au feu. Quant à celui qui meurt sans avoir fait de shirk, qu'on a fait tawbah, tâte el mashi'a. Si Allah il veut, lui pardonne ses péchés, et il rend directement au Jannah, et s'il veut, il l'éprouve par le feu auparavant, imma fil qabr, wa imma ba'd dhalika. Yani, il ne rentre pas dans au Jannah, de khuran ou liyan, il ne rentre pas directement au Jannah. Il fait un passage au feu d'abord, pour suivre ses fautes. لأن الله عز وجل قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة que certes celui qui associe Allah Allah lui a rendu interdit le Jannah et là le maksoub bizarika c'est pour le kafir le Jannah lui interdit donc ça t'amène à quoi avoir peur avoir peur de tomber dans le shirk bien évidemment ثم قال المؤلف وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام سورة إبراهيم 35 كل خليل كي إبراهيم عليه السلام والخليل مأخوذ من الخلة والخلة هو أعلى درجات المحبة c'est le plus haut niveau de l'amour et deux seulement ont été nommés comme خليل الله qui sont-ils Ibrahim alayhi salam wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quoi? Allah rapporte dans le sens qu'il a dit éloigne-moi ainsi que mes fils, c'est-à-dire ma descendance, d'adorer les asnam, les idoles. Surat Ibrahim, verset 35. Wa qala al-Sheikh Ibn Baz هذا في خطورة الشرك لأن سيد الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كان يخاف من الشرك فوجب التأسي بهم وأن نكون أولى بالخوف منهم. Donc il dit cela démontre encore plus le danger du shirk. Car celui qui est le maître des anbiya après notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, qui est Ibrahim, qui est imam al-Hanafi al-Hanifiyah de la religion pure, Il avait peur de son vivant, a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de l'éloigner du shirk, lui et sa descendance. Ce qui prouve bien quoi? Que lui qui à la base, comme a dit Allah azawajal, walam yakum ni mushrikin, n'était pas de mushrikin, malgré cela de son vivant, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le mettre loin. C'est même pas lui a dit, ne me fais pas tomber dans le shirk, mais moi loin d'elle. Asnam, Zdol. L'imaza, c'est quoi la suite du verset? Rabbi, innahunna adlalna kathira min nas. Ô Seigneur, elles ont égaré beaucoup de gens. Donc il avait peur pour lui-même. Lui qui était un messager, min ulil azm kazalik, qui était parmi les anbiya, et les anbiya sont ma'soum, qui tombent dans le shirk. Il m'a résolu de demander à Allah de l'en épargner. Alors que dire de nous? Ma balu kabina, nahnu awla nakhof bizalika. Donc le ulama dit justement fala ya'man min ash-shirk yani al-wuqu' fihi illa man huwa jahil bih. La seule personne qui sort à la sécurité et tombe dans le shirk, c'est celui qui l'ignore. Comme il ne connaît pas la chose, il ne se rend pas compte de son importance ou de sa gravité. Le nabi, le prophète, il sait quoi le shirk. Donc il demande quoi lui-même? Alors qu'est-ce qu'on doit dire nous? Que doit-on dire non par rapport à cela? Et il dit Al-Asnam huwa ma mushita ala sura ka sura insan aw hayawan. Al-Asnam, c'est le diable de Sanam. C'est tout ce qui était façonné, qui était adoré en ordre d'Allah, qui était façonné à une image. Façonné à une image et une représentation d'une créature. Et ma wa Ahmin Dalika al-Wafan. Al-Wafan, il va dire le shir va citer maintenant là. Qal, wal mushrikuna kanu aqsaman. C'est les différentes catégories, le mushrikun. Minuhum, man ya'bud al-asnam. Wa minuhum, man ya'bud ghayr al-asnam. Kal shajar, wal bahar, wal shams, wal qamar. Kulluhum, yajma'uhum sarf al-ibada li ghayr Allah azza wa jal. Yutlaqu ala al-sanam, wafan. Donc il dit, les mushrikoun, parmi eux, certains qui adoraient les asnam. C'est-à-dire, c'est idoles façonnées. Et d'autres qui adoraient autre que les asnam, comme les arbres, comme la mer, comme le soleil, comme la lune. Et tous, par contre, malgré ces différentes formes d'adorer qu'ils avaient, ils tous réunissent la même chose, ils adoraient autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sanam, on peut l'appeler également wafan. Et wafan, on dit que c'est plus large. Wafan, c'est tout ce qui est en dehors d'Allah. Et le sanam, il rentre dedans. Et des fois, l'un en prie pour l'autre, à l'homme ou à serre, qu'est-ce qu'il y a. Qal, summa qal, el mu'allifu, rahmahu ta'ala. Wa fil hadith, akhwaf. Ma akhwafu alaykum, el shirku el asghar. فسئل عنه فقال الرياء فقال الرياء. Dans le hadith rapporté par Ahmed al-Tabarani, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la chose la plus effrayante pour laquelle j'ai peur pour vous, c'est le shirk asghar, shirk mineur. Il fait interroger, quel est-il? Il dit الرياء, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ostentation ou la fausse piété. En français, ils traduisent comme cela en général. Elle va nous expliquer. Et le hadith, Wa'an Mahmoud ibn Labid. Et ce hadith, il a des shahawid. Des shahawid, ou des témoins, qui ont dans le même sens, très fort. Masalan, min hadha, ja'a, qu'al al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, iyakum, wa shirk, as-sara'ir. Taqalu, ma, شرك السرائر فقال أن يقوم أحدكم فيزين صلاته جاهدا لينظر الناس إليه فقال ذلك شرك السرائر. Un autre hadith également par le même sahabi également qui était rendu Hassan, qu'il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde au shirk, c'est-à-dire le shirk, il y a un secret en quelque sorte. Il dit, à quel est-il? Il dit, c'est le fait que l'un d'entre vous se lève et fasse une salat afin que les gens le voient et fassent son éloge par rapport à cette salat. Le vente. Il dit, voici le cheikh secret. Et ce hadith va dans le même sens que le hadith cité par l'auteur. Donc, attention au ria, car il est très khatir, jiddan. Et ce ria, à l'aide du hadith, on comprend que le shirk est de deux catégories. Al-akbaru ou al-asharu. Et ça, c'est l'aqidah de al-sunati wa jama'a. Le shirk est de deux sortes. Le majeur et le mineur. Le majeur, tu sors de la umma, du kulliya. Fais de toi un kafir, mukhalidan finar, liman mata alayhi. Ton sang est halal. Tes biens sont halal. Comment? Et le ashar, wadun zalika. Il ne te sort pas de la umma. Et il ne fait pas de toi un kafir. Mais il est très dangereux également. Et le ashar, il a été défini comme étant, par les contemporains, comme l'ajna daima, قال, كُلُّ مَا نَهَا عَنُوا الشَّرَعَ وَهُوَ ذَرِيعَةٌ إِلَى الْأَكْبَرِ وَسِيلَةٌ لِلْوُقُوعِ فِيهِ وَجَاءَ فِي النُّصُوصِ تَسْمِيَةُ شِرْكًا تَسْمِيَتُهُ شِرْكًا. Le ashar, c'est quoi? C'est tout ce que la législation interdit, qui est un moyen menant au shirk akbar, qui amène à tomber dedans. Mais la différence, c'est qu'il a été nommé shirk ashar par la législation. Ça sort de quoi? Cela t'exclut de cela, mesalem, à taswir. Le fait de représenter des images. C'est un moyen qui mène au shirk akbar, comme ce fut le cas du coq de Nour. Maintenant, est-ce que celui qui fait le taswir, on dit qu'il fait du shirk ashar? Non. Pourquoi? Car la sharia, l'âme, tu sommes shirkan. Il n'a pas été nommé shirk. Donc on ne peut pas dire que c'est shirk ashar. Shirk ashar, c'est un moyen qui te mène au akbar, mais qui était nommé shirk ashar par la législation. Comme un riya. Comme le halif, le fait de jouer pour en tout cas Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que le kitab? Car des gens ont dit que le shirk ashar, c'est un moyen qui mène au akbar. On dit, mais Arzem, elle roule, kazalik, l'exagération comme cela va venir dans le kitab. Hada min wasirat, il est shirk akbar. Et pourtant, le roule n'a pas forcément été nommé shirk ashar, ça dépend de son degré. Comme il a dit, il y a une tradition justement de ce shirk, ou plutôt du riya. Comme il a dit dans le hadith, man sam'a, sam'a Allahu bi, wa man ra'a. Ra'allahu bih. Et ce hadith, il est muttafaqun alayh. Qui veut dire que celui qui fait des choses pour qu'on l'entende, Allah le fera entendre auprès des gens. Et celui qui fait des choses pour qu'on le voit, Allah le fera voir. Après, il y a différentes interprétations du hadith. Certains disent que ce sera yom al-qiyama. Et d'autres disent c'est fi'adid dunya. C'est-à-dire que Allah va démontrer aux gens que cette personne-là n'est pas sincère en ce qu'elle fait. Avec qu'on parle d'elle. Donc le ria, celui qui fait du ria, qui fait une adoration pour être vanté et être vu par les gens, on dit, ce n'est pas du cheikh akbar, pourquoi? Car à la base, son adoration, il l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fait pas cela pour les gens, il n'adore pas les gens. Cependant, une partie de cette adoration dans sa niya, on viendra aux gens du fait qu'ils attendent d'eux quelque chose de cette adoration-là. Des éloges ou autre chose. Alors que l'adoration est entièrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Complètement. Donc c'est ça que ça fait que c'est du shirk ashar. Qu'il y a une part qui revient aux autres. Il se lève pour la salat. Il fait une basse salat pour que les gens disent Masha'Allah, lui c'est un abid. Il fait une belle salat. Si lui fait cela, comme dit Cheikh Othaymine, à sa base, il se lève sa salat depuis le début. En faisant en sorte que les gens le voient, du début à la fin, ça c'est les bâtés. Limada, l'inallah, قال, أنا أنا الشركاء, ومن أشرك معي غيري, تركته وشركة. تركته وشركة. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, l'action dans laquelle tu auras commis du shirk, ou tu auras mis autre culte dans l'adoration, l'adoration en elle-même elle est abandonnée, délaissée. Amen. Akbar, tu es délaissé toi-même. Toutes tes actions sont annulées. Mais dans le Shif Asrar, dans le Riyah, c'est l'adoration seulement elle-même qui est annulée. Pas toutes. Après, l'adoration, est-ce qu'elle est complètement annulée ou pas, ça dépend de ta niyyah depuis le début. Si maintenant tu fais salat, et que le Riyah il est rentré en pleine salat, c'est-à-dire au début tu as commencé, tu étais mukhalis depuis le début. Après, tu as vu les gens rentrer dans le masjid, et tu as regardé, et tu as commencé à malheurer ta salat et ta voix. Tu as utilisé de lever ta voix, mais à la base, tu n'as pas à le faire. On dit, je sais pas, tu étais imam, tu faisais une salat, munfarid, tout seul, en retard. Donc tu as ça à haute voix, dans la scène, Maghrib, l'Isha. Les gens, ils rentrent, ils te voient, et tu aimes alors, comme on pousse ta voix par rapport à ça. Le Riyas, s'il rentre dedans, là. Mais à la base, tu n'étais pas dans cette niya-là. C'est vrai, tu le repousses, après, tu le repousses, ma'alekshé. Tu dois le repousser. Et des fois, ça arrive malgré toi. Shaitan, il vient et toi, se fasse. Si tu le repousses, quand même, Inch'Allah, attends. Ça t'a été pardonné. Par contre, tu persistes dessus, tu la laisses jusqu'à la fin de l'adoration, l'adoration, elle est annulée. Elle est annulée. Après, je suis enseigné par des ibadats qui, elles, des fois, lorsqu'elles sont séparées, c'est un autre tafsil, donc, quand elle m'offite. Amché, c'est celui-là. Maintenant, quelqu'un pourrait dire dans un hadith qu'il y a une salade de nuit, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, l'a informé qu'il était passé, qu'il a entendu sa voix. Il a dit, le araftu naka tasma'uni, la hasantu akthar dans le ma'na. C'est ainsi que tu m'avais écouté, j'aurais encore plus embelli ma voix. Ce hadith-là, c'est un alam al-biriya, c'est un sahabi. Il a voulu dire quoi par là? De faire rentrer le plaisir. Il traite le sourire à le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui faire plaisir. Car ça, c'est l'ibada. Faire plaisir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un taqarrub ila Allah, c'est mashrou', c'est un cadeau, quand même, dire une parole agréable, faire une chose qui fait plaisir. Ça, c'est une ibada. Lui, il a voulu faire par là, pas être vanté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais lui faire plaisir. Car le faire plaisir à lui, c'est faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration. C'est ça, niyyah. Maintenant, les gens, ils vont apporter quoi? Parce que c'était khas pour lui, pas pour les gens. Parce que c'était khas pour lui, pas pour les gens. Donc si tu fais ça pour autre que lui, t'embellitera pour dire c'est une belle voix, masha'Allah, attention ça rentre dans le riyah. Ça même ça rentre dedans. C'est ma qal. Wa'an ibn Mas'ud, al-mu'allif, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'ale man mata wa wiyad'u min douni lay niddan dakhara an-nar rawahu al-Bukhari. Que selon le Mas'ud, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui meurt et qui invoque avec Allah un égal, entrera au feu. Aza wa nid. Qari shaykh, niddan ay shabihan wa nazira, yad'uhu ma'a Allah, wa yasta'ithu bih, fa huwa mukhalidun fi nar. Un nid, c'est le fait de donner un égal, une ressemblance. Qu'il alloque avec Allah autre que lui ou qui cherche secours auprès de lui. Celui-là, s'il meurt, s'il s'en tombe au bas, fera partie des gens du feu éternellement. C'est ça où est le nid. Nid, donner un égal. Comme a dit Allah, Oumine al-Nas, Mayat ta'idhu min dounilay andada, yuhibbounahu kafubillah. Parmi les gens, certains qui prennent les égaux envers Allah, ils les aiment comme on aime Allah. Donc donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk. Et quel shirk? Akbar. Quand même Akbar. Et quelle que soit la chose qu'il ait prise, que ce soit un ange, que ce soit un nabi, que ce soit un wali, que ce soit un kobr, la chose qu'il a prise comme nid avec Allah subhanahu wa ta'ala, le faire entrer au feu s'il meurt dessus son tawbah. C'est ma parole où les musulmans, Jabir, radiallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Selon Jabir, le message d'Allah صلى الله عليه وسلم il a dit, celui qui rencontre Allah, c'est-à-dire qui meurt, sans lui associer quoi que ce soit, entrera au Jannah. Il a dit quoi? لا يشرك به شيئا. On a quoi comme phrase maintenant là? On a Nakira, Fisiyak, Ennafi. Aïe, voilà, la phrase est négative. Là, on a nakira shay'an. C'est-à-dire toute chose qui n'associe rien du tout à Allah, entrera au Jannah. Ça revient au quoi? Au bain précédent. Quand même, que le tawhid te fait rentrer au Jannah. Et celui qui rentre, qui meurt, en rencontrant Allah, en laissant quelque chose, entrera au feu. Entrera au feu. Et là, le hadith fait allusion au Cheikh Akbar. Le hadith fait allusion au Cheikh Akbar. قال الشيخ رحمه الله تعالى الحديث فيه موجبتان deux choses obligatoires par ce hadith. الأولى أن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. Celui qui rencontre Allah, c'est-à-dire qui est mort sans avoir fait de shirk, rentrera au Jannah. Et le deuxième, c'est le contraire. Celui qui meurt, أنه من لقيه que celui qui meurt en étant mushrik entrera au feu. Entrera au feu. Et tout cela revient au sens du bain, qui est le fait d'avoir peur du shirk. La chose dont tu vas avoir le plus peur, c'est le shirk. La chose la plus effrayante pour toi en ce dunya, c'est le shirk. Car c'est pour cela que Allah a préparé le feu. Rodat le kafirin, pour les koufars. Car le kafir fait du shirk, obligatoirement. Le nar a été préparé pour ces gens-là. Car on parle du nar éternellement, bien évidemment. Après, celui qui n'a pas fait du shirk, qui a fait des péchés, c'est autre chose. Mais le fait d'être éternellement dans le feu, c'est pour les koufars, les mouchirikin. Et ça, c'est une atteinte, la plus grande atteinte au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est tawhid, le fait de l'adorer seul. Sans rien associer. Subhanahu wa ta'ala. Hada kana bab al-yawm. Un, huwa bab al-khawf min al-shirk. Le fait d'avoir peur du shirk. Car le shirk t'annule toutes tes œuvres. Celui qui était mushrik à la base, sans être entré en islam, lui, quoi qu'il fasse, il n'y a rien qu'à accepter de lui. Juste ses bonnes actions lui valent quoi? Dans cette dunya, ça lui vaut le risque. Comme a dit Fibad Ahadith, il en tire profit dans cette dunya. Un kafir qui fait une bonne action dans cette dunya, il en tire quoi? Hein? Du risque. Mais si l'akhira, ça ne vaut rien du tout. Et celui qui aurait fait du shirk après avoir été musulman, lui, toutes ses œuvres seront annulées. Tout ce qu'il aura fait auparavant. Et si jamais il fait du riya, naam, ça. Tu les as, toi? Ah, tu l'apprends. Et si jamais il fait du riya, c'est l'action elle-même, par laquelle il a fait du riya, qui est annulée. En fonction du torsif qu'on a pris. Tayyib al-bab fi masa'il. Qal. Al-oula, al-khawf min al-shirk. La peur du shirk. Athaniya, an-riya min al-shirk. Que le riya fait partie du shirk. Et riya, c'est le fait de se faire voir. Et wa sum'a, c'est le fait de se faire entendre. Athalitha, an-naw min al-shirk, al-asra. Troisième point, que Riya fait partie du shirk asrar. Rabi'a, annahu akhwaf ma yakhafu minhu ala salihin. Que c'est la chose sur laquelle il a plus peur pour les gens pieux. Et c'est ça. Souvent, les gens de la sunna te diront, tu ne verras pas de mesalen égorger contre Allah, faire des tawaf autour des kubur, faire un doa contre Allah. Les choses de shirk sont apparentes, grandes. Mais ça, ça a crainte pour lui. Le sunni, parmi les plus grandes choses qu'il y a à craindre pour lui dans le shirk, est le riya. Et d'autres choses qui vont arriver par la suite, comme le roulou. Tayyib, summa qala khamisa, qurb al-jannah wa nar. Que le feu et le jannah sont très proches. Comme a dit le hadith, akrab ila shirak ni'alikum. C'est plus proche de vous que les lacets de vos chaussures. Al-sadisa, al-jam bayna qurbihima fil hadith wahid. Quand on a le hadith, la proximité était citée. C'est lequel? Celui qui meurt sans faire de shirk, qui rencontrera Allah sans faire de shirk, ira où? Au Jannah. Celui qui rencontre ayant fait du shirk, il ira où? Au feu. Les deux, on a un seul hadith. Al-sabi'a, annahu man naqiyahu la yushriku bi shay'an dakhala al-jannah. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من اعبد الناس. De celui qui le rencontre, qui est mort sur le shirk, plutôt qu'il meurt sans faire le shirk sur le tawhid, entrera au Jannah. Celui qui le rencontre en faisant du shirk, avec quoi que ce soit, quand même, entrera au feu, même s'il était le plus dévot des gens. Tu le voyais faire le plus grand ibadat. Il a fait du shirk, il est mort dessus, il finira au feu, et toutes ces belles œuvres qu'il aura fait auparavant seront annulées et vaines. Al-Thamina. المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام اعتباره بحال الأكثر لقوله عز وجل ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. Qui est la plus grande question dans le sujet, qui est que Al-Khalil Ibrahim alayhi salam a demandé à son Seigneur de le préserver, lui, ses fils, sa descendance, d'adorer les idoles. Car ça, c'est le cas de beaucoup de gens. On va dire même la plupart des gens. Quand même, quand on a pris dans le bab d'hier, la plupart des gens sont sur le kufr et le shirk. Al-Ashira, fihi tafsir, la ilaha illallah, kama zakara al-Bukhari. Et là, dans le truc, ça n'a pas été cité. Al-Hadi Ashar, fadirat, man salim min shirk. La vertu de ceux qui étaient épargnés du shirk. هذا هو كان درسنا اليوم تمام باب الخوف من الشرك car le shirk te fait rentrer au feu éternellement si tu meurs de sans tauba et annule toutes tes œuvres. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذا البلاء وهذا الذنب الأعظم car il est le plus grand des péchés, celui que Allah ne pardonne pas pour ceux qui meurent dessus. فإلا هنا والحمد لله رب العالمين.